Ces mots, il en demande à ses anciennes maîtresses, dits par Lisbeth, occupèrent pendant toute la nuit la baronne. Semblable aux malades condamnés qui se livrent aux charlatans, semblable aux gens arrivés dans la dernière sphère dantesque du désespoir, ou aux noyés qui prennent des bâtons flottants pour des amarres, elle finit par croire la bassesse, dont le seul soupçon l'avait indignée, et elle eut l'idée d'appeler à son secours une de ces odieuses femmes. Le lendemain matin, sans consulter ses enfants, sans dire un mot à personne, elle alla chez mademoiselle Josepha Mira, prima donna de l'Académie royale de musique, y chercher ou y perdre l'espoir qui venait de luire comme un feu follet. À midi, la femme de chambre de la célèbre cantatrice lui remettait la carte de la baronne Hulot en lui disant que cette personne attendait à la porte après avoir fait demander si mademoiselle pouvait la recevoir. « L'appartement est-il fait ?»« Oui, mademoiselle. » »« Les fleurs sont-elles renouvelées ?»« Oui, mademoiselle. » »« Dis à Jean d'y jeter un coup d'œil, que rien n'y cloche avant d'y introduire cette dame, et qu'on ait pour elle les plus grands respects. Va, reviens m'habiller, car je veux être crânement belle. » Elle alla se regarder dans sa psyché. « Ficelons-nous, se dit-elle, il faut que le vice soit sous les armes devant la vertu. Pauvre femme, que me veut-elle? Ça me trouble, moi, de voir du malheur auguste victime. »